La guerre dans la peau. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Phil Clay. En direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Troisième épisode. La guerre, c'est celle que les Américains ont menée en Irak entre 2003 et 2011. La peau, c'est celle des combattants qui transpirent les combats, les explosions, la mort des insurgés et celle des compagnons d'armes. Mais aussi l'attente, la peur, l'ennui. Rentrés au pays, les soldats s'aperçoivent que la guerre est rentrée avec eux. Elle loge dans leur crâne, sous leurs ongles, dans leur peau. Ils se croyaient aguerris. Ils sont devenus incurables. C'est cette maladie qui ronge l'âme et le corps des hommes sous l'uniforme qui résonne dans ce cœur de voix. Quelque part dans la province de Ninive, en Irak, pendant la guerre, côté américain. Dès que l'hélicoptère fut en vol stationnaire au-dessus de la plateforme, tout le monde s'affaira. Un médecin le guida pour atterrir, et deux autres se tinrent prêts, portant un brancard sur lequel nous distinguions nettement, malgré la distance, des taches de sang séchées couleur de rouille. À côté d'eux, un autre médecin, une fille, était accroupie dans la poussière. Elle était blonde et portait un t-shirt marron avec des gants en latex qui lui montaient jusqu'au coude. Ses manches étaient courtes, roulées sur le bel arrondi blanc de ses épaules, et ses gants, un peu bleutés, ressortaient dans le monochrome terne de l'hiver du désert, au point que nous étions omnubilés par le moindre de ses mouvements. Elle t'intéresse, cette fille ? Ouais. Depuis un petit moment, ouais. L'hélicoptère se posa, et l'équipe médicale fit glisser sur le plancher métallique de la cabine un garçon qui paraissait mimer des hurlements dans le bruit assourdissant des rotors. Il perdait son sang qui s'étalait en longues traînées sur les bras des médecins et sur la civière. Sa jambe gauche n'en était plus une. Elle pendait, réduite en une bouillie sous son pantalon découpé. La fille lui posa un garrot, se positionna près de lui, et ils s'ébranlèrent en direction de l'hôpital de Fortune. Elle tenait dans l'une de ses mains gantées celle du soldat, et de l'autre, elle lui caressait le visage, les cheveux, les lèvres, les yeux. Ils disparurent dans la tente. L'hélicoptère décolla, se balança au-dessus du sol et s'éloigna rapidement vers l'horizon. Le vacarme de l'appareil s'évanouit au-dessus de la ville, et la voix du garçon résonna de plus en plus fort alors qu'il vociférait dans la petite tente médicale. Les quelques personnes alentour s'arrêtèrent. Murph et moi demeurions immobiles, silencieux. Nous écoutions tous les hurlements incontournables qui peu à peu diminuèrent pour finalement s'éteindre. Il ne nous restait qu'à espérer que sa voix s'était brisée, qu'il s'était fatigué, ou qu'on l'avait anesthésié, qu'il respirait à présent profondément de grosses bouffées d'air frais, ses cordes vocales libérées des vibrations de la mélodie de l'agonie. Mais nous savions que c'était pas vrai. Je veux rentrer à la maison, Bart. Bientôt, mec. Bientôt, bientôt. Je dirai jamais à personne que je suis venu ici quand j'entrerai. Tu pourras pas empêcher les gens de savoir, Murph. La fille émergea de la tente. Il n'y avait plus d'urgence dans sa façon de se mouvoir. Elle enleva ses gants, maculés de sang, et les jeta dans un tonneau. Ses bras étaient pâles, ses mains sombres et petites. Je regardais Murph et réalisais pourquoi il venait ici. C'était pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, non, il s'agissait d'autre chose. Nous l'observâmes prendre un morceau de savon dans une assiette et se laver les mains dans un lavabo improvisé accroché à un poteau. Dans la lumière de l'après-midi, nous apercevions sa nuque soyeuse. Quelques nuages épars flottaient dans le ciel. Elle s'assit par terre, alluma une cigarette, croisa les jambes et se mit à pleurer en silence. Je songeais que c'était ça, plutôt que sa beauté, qui avait attiré Murph ici, durant ces longues journées identiques les unes aux autres. Cet endroit, ces petites tentes au sommet de la colline, cette étroite ruine dans laquelle elle se trouvait, c'était peut-être le dernier rempart de gentillesse et de douceur. C'était naturel de rester là, à la regarder sangloter sur un coin de terre poussiéreuse. Je comprenais pourquoi Murph était venu et pourquoi je ne pouvais pas repartir. Parce qu'on ne sait jamais si ce que l'on voit ne va pas disparaître pour toujours. Bien sûr, Murph voulait assister à cette tendresse, il voulait contempler une jolie fille. Il voulait être dans un endroit où la compassion avait encore sa place, mais ce n'était pas tout. Il voulait choisir. Il aurait substitué n'importe quoi à la torpeur qui grandissait en lui. Il voulait décider de ce qui l'entourait, refuser ce qui lui tombait dessus par accident ou par chance. Il voulait se fabriquer et conserver au moins un souvenir de sa propre volonté pour contrebalancer les restes éclatés de tout ce qu'il n'avait pas demandé. La fille se leva, jeta sa cigarette, l'écrasa du bout du pied et se dirigea vers la chapelle qui semblait posée dans son trou poussiéreux comme une idée après coup, loin des filets qui recouvraient les pièces d'artillerie positionnées un peu à l'écart de la butte. La lumière s'infiltrait entre les lattes des bois, traversant de part en part le petit édifice. Le clocher avec sa sobre croix était visible depuis les limites les plus reculées de la ville. La silhouette de la fille se dessinait dans le lointain sur la paroi blanche, défraîchie, sans porte, cadre, ni carreau aux fenêtres. Elle soulevait dans son sillage un léger voile de poussière. T'inquiète pas, Murph. On va s'en sortir. On peut compter l'un sur l'autre, on sait de quoi il retourne. Je veux pas être proche de quelqu'un à cause de ce merdier. C'est pas parce qu'on est ici, ensemble, qu'on est liés, toi et moi. Je veux pas que ça soit ça. Non, mec, toi et moi, on est proches parce qu'on est proches, c'est tout. On serait proches n'importe où. C'est pas à cause de ça. Je ne me souviens pas si je le pensais vraiment. Je me sentais si différent à l'époque. Tout était soudain et nouveau. Il n'y avait pas de temps pour la réflexion. Et je ne voyais pas plus loin que ce qui était susceptible de me tuer l'instant suivant. Je ne sais même pas si nous étions vraiment proches. Ce n'est qu'après ce moment que j'ai essayé de comprendre, de découvrir pourquoi je me sentais à ce point coupable. Allez, viens, Murph. Viens, mon pote. T'es pas tout seul. Je pris sa main dans la mienne, le tirai par le bras, et nous nous levâmes pour rentrer dans nos quartiers. Ce qu'il avait essayé de formuler m'effrayait. Il refusait que cet endroit le lie de quelque façon que ce soit à quiconque, même à moi. C'était angoissant d'imaginer comment il allait respecter cette résolution. Dès notre retour, Vauclair s'était mis à chercher un moyen de repartir en mission en Afghanistan. L'engagement en Irak touchait à sa fin. C'était déjà évident vers la fin de notre mission. Alors il avait commencé à harceler un commandant de compagnie du 1-9e jusqu'à ce que celui-ci finisse par lui faire réserver une place. Ce qui l'avait conduit au bureau de l'administration. Mon bureau. Et au lieu de laisser mes Marines s'occuper de ces conneries, je leur demandais de me l'envoyer. Je voulais le revoir. Face à face. Alors, Vauclair, vous voulez aller en Afghanistan ? Oui, mon lieutenant. C'est là qu'on se bat. Le 1er bataillon du 9e Marines. The Walking Dead. Voilà, mon lieutenant. Les devises des bataillons étant ce qu'elles sont, ils ont probablement le meilleur. Grâce au Vietnam, le 1-9e se targue de détenir le record du plus haut taux de mort au combat de toute l'histoire du corps des Marines. Les Marines qui aiment se voir comme des chiens enragés d'une agressivité suicidaire et qui parfois se comportent de manière à être à la hauteur d'une telle image de soi considère qu'un tel record, c'est super. Vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a un délai à respecter entre deux missions extérieures. Oui, mon lieutenant. Que vous pensiez être prêt à repartir ne signifie pas que vous l'êtes vraiment. Des tas de Marines du 1-9e ne sont jamais partis en mission, mon lieutenant. Et vous, vous avez l'expérience dont ils ont besoin. Oui, mon lieutenant. Ils vont avoir besoin de bons sous-officiers. Les Marines utilisent souvent des lieux communs pour parler aux officiers, donc il est parfois difficile de savoir ce qu'ils croient vraiment dans tout ce qu'ils disent. Dans le 1-9e, il y a un tas de Marines qui sont allés là-bas 3, 4, voire 5 fois. Mon lieutenant, je sais ce que c'est que voir se produire des choses terribles. Impossible d'argumenter contre ça. C'est très dur. Les gars vont devoir affronter la même chose. Ouais. C'est probable. J'ai de bons rapports avec les gens. Je serai bon dans ce genre de situation. Il parlait avec un calme absolu. Cela faisait paraître la pièce autour de lui froide et silencieuse. Eh bien, ça marche, Buckler. Je suis content de savoir que vous serez là-bas. Ils vont avoir besoin de bons sous-officiers. Ok, on est cadré. On peut y aller, ça tourne. Vous pouvez y aller. Aujourd'hui, ma femme et moi, nous avons regardé notre fils, notre Marine, le caporal-chef James Robert Buckler, repartir à la guerre. Bien que ce soit dur pour nous de voir notre fils partir pour une mission aussi dangereuse, nous sommes extrêmement fiers de lui et de tous ses frères du corps des Marines. Nous sommes descendus en voiture avec James plus tôt dans la semaine et nous pouvons témoigner que ses frères du corps des Marines et lui ont le moral au beau fixe. Malgré les dangers, ils sont enthousiastes à l'idée de remplir leur mission, qui consistera à déloger l'ennemi de ses positions dans le sud de l'Afghanistan. C'est une tâche importante et pour laquelle ils s'entraînent depuis des mois. James a 21 ans et il a obtenu son diplôme de fin d'études au lycée de Fairhope en 2006. Il a combattu en Irak l'année dernière et il est rentré en bonne forme à la maison pour Thanksgiving. Il rejoint ses camarades de classe du lycée de Fairhope, le caporal-chef John Coburn et le caporal Andrew Roussos, qui ont également combattu en Irak avec lui. Nous attendons avec impatience leur retour en bonne forme pour Noël prochain, une fois leur mission accomplie. Je m'appelle George Buckler et je parle aussi au nom de ma femme, Anna, et de mes enfants, Jonathan, Ashley et Lauren Buckler. C'est parfait, monsieur. Merci. Nous n'avions eu le temps de faire que quelques pas lorsque nous entendîmes les gémissements des tirs de mortier ennemis. Comme si le sifflement assourdissant d'une bouilloire bouillante avait envahi le ciel. Nous nous regardâmes, Murph et moi, sans voix face à l'éternité de nos êtres respectifs composés de fractions et de fractions de secondes. Pendant un instant d'une brièveté infinitésimale, nous ne fûmes ni courageux, ni terrifiés. Aucun de nous deux ne parla ni ne bougea. Nos yeux humides se fixaient, un regard de chevaux habitués au combat. Je ne suis pas exactement où le premier obus tomba, mais ce fut près de nous. L'impact m'ébranla, tel un point d'acier dans le cœur de la terre. Le sol tout entier trembla sous mes bottes. Je ne vis qu'un éclair lumineux puis de la fumée grise surgir comme de la peinture sale projetée sur une toile délavée. Toutes les formes se fissurèrent et se dispersèrent dans le violent craquement de l'explosion. Je me jetai au sol sans même y réfléchir. Me couvris la tête avec les mains, ouvris la bouche et croisai les chevilles. Je comptais les battements de mon cœur. Toujours là. De petites particules métalliques volèrent au-dessus de moi à chaque secousse, défiant toutes les lois de la vitesse et du son. Prendre une inspiration et une autre, pas évident. Se concentrer. J'abandonnais, me rendis, peu importait, j'étais parti. Mes nerfs et ma mémoire actionnaient mes muscles. Le son de ma propre voix me semblait comme désincarné, s'élevant en arc de cercle dans la poussière et la fumée. Murph ? Murph ? Il ne répondait pas. La voix stridente de mon sergent pénétra dans mon esprit, matant chaque synapse de mon cerveau encore entier. « Fais-toi tout petit, soldat. Si tu veux sauver ta putain de peau, il faut que tu puisses te planquer sous ton casque. » Je ne comptais pas les obus de mortier. Il n'était plus question de mesurer ou d'évaluer quoi que ce soit. Bam ! Bam ! Bam ! La terre s'ébranlait et les vibrations parcouraient mes paumes et mes avant-bras, tandis que mes mains, à présent en sang, tentaient désespérément d'ériger une petite muraille de terre sèche devant mon visage. Les boutons de ma veste s'enfonçaient comme des rivets dans le sol. « Fais-toi petit, soldat ! Tu te fais carrément tout petit et tu restes petit, nom de Dieu !» Il y eut une accalmie brève et impalpable. Une brèche apparaissant entre les nuages. Ma poitrine se serra profondément sous mon sternum, comme si mes côtes se refermaient tel un point perclus d'arthrite. J'étais toujours prostré au sol. Mon visage et mon corps avaient labouré la parcelle de terrain sur laquelle j'étais étendu. De la terre dans la bouche, sur les dents et la langue. J'en avais aussi dans le nez. Je respirais avec difficulté et j'eus soudain l'impression de tomber. De la même manière qu'on sort brutalement du sommeil lorsqu'on rêve que ses doigts viennent de lâcher leur ultime prise nocturne. Je tendis l'oreille mais n'entendis rien. Et merde, c'est ma vie, me dis-je. Le département de la Défense a annoncé aujourd'hui la mort de deux Marines engagés dans l'opération Liberté Immuable. Le caporal Sheed Hayes Mason, âgé de 27 ans, d'Oneida, état de New York, et le caporal chef James R. Vogler, âgé de 21 ans, de Fairhope, Alabama, sont morts le 3 octobre des suites de blessures reçues alors qu'ils participaient à des opérations de combat menées dans la province de Helmand, en Afghanistan. Ils appartenaient au 1er bataillon du 9e régiment de Marines, 2e division de Marines, 2e division des forces expéditionnaires, basée à Camp Lejeune, en Caroline du Nord. Pour tout renseignement complémentaire concernant ces Marines, les représentants des organes d'information peuvent contacter... La fumée et la poussière du dernier tir s'éloignaient, suspendues dans l'air, vers les quelques nuages grossièrement disposés dans le ciel bleu pâle. Une sirène retentit, un avertissement vint. Je me hissai tant bien que mal hors de mon fossé et me dirigeai vers le petit bazar en flammes, les bottes trempées comme des éponges immondes. Je me frayai un chemin vers la chapelle. Son clocher s'était effondré. La croix en bois brisée gisait sur la terre à proximité d'un massif de tamaris. La fille médecin était là. Là où je m'attendais à la voir. Étendue par terre près de l'édifice, ses mèches de cheveux balayant la poussière, de façon à la fois surnaturelle et bien réelle. Ses paupières étaient à demi-closes. Deux soldats en uniforme se penchaient sur elle comme s'ils se livraient à une vieille pantomime, tentative muette pour la ramener à la vie. Tandis que je m'approchais, l'un d'eux me regarda. « Je crois qu'elle est morte. » L'autre se détourna. C'était Murph à genoux, les mains sur les cuisses, bouche bée devant le corps. « Je suis arrivé hier. » Murph demeura silencieux et immobile. « Je savais pas quoi faire. Où ils étaient, ces putains de médecins ?» Je le saisis par les épaules et l'aidai à se lever. « Allez. Allez, mon pote. Il faut qu'on la déplace. Hein. Hé, hey, Murph. Murph, Murph. Hé, hey, donne-nous un coup de main. Murph. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Deux planches abîmées et gondolées des murs de la chapelle étaient tombées sur elle. Et nous les ramassâmes. La puissance de l'explosion avait déchiré sa chemise et une profonde blessure sur son flanc avait déjà cessé de saigner. Sa peau était gris pâle, le gris de la mort. Nous rabattîmes le pan de sa chemise. installâmes par terre trois planches les unes à côté des autres et déposâmes son corps dessus. Nous dépassâmes un bosquet d'aulnes et de saules qui ployaient dans la chaleur des feux qui brûlaient à proximité. Leurs vieilles branches pleurant ce corps étendu sur un brancard de fortune. Nos mains se contractaient un peu plus douloureusement à chaque pas et nous tentions de rassembler tout le respect qu'il nous restait en nous cramponnant aux planches. Des ampoules se formaient dans nos paumes. Les courbes arrondies de la jeune femme se balançaient sous ses vêtements au gré de nos mouvements. Les planches craquaient. Un petit groupe d'hommes rassemblés pour un comptage d'effectifs se tournèrent vers nous, altérés. Pâle haie d'honneur d'uniformes sales et décolorés, tandis que nous gravissions la faible pente avec la dépouille. Une fois au sommet, nous déposâmes notre fardeau par terre sous un arbre. Le corps était à présent translucide et bleuté. Un des soldats alerta les médecins et nous les regardâmes s'approcher d'elle. Ses amis l'enlacèrent et l'embrassèrent. Elle roulait, inerte, dans leurs bras aimants et ils pleuraient dans la lumière du couchant. Je passai mes mains derrière mon crâne. Le muezzin appela à la prière comme je m'éloignais. Le soleil dessinait une gigantesque tache de sang à l'horizon. Le feu s'était propagé depuis la chapelle et enflammait à présent le massif de Tamaris. Les braises rougeoyaient, telles des lampes pour éclairer mon chemin. C'était La guerre dans la peau, en direct du studio 110 de la Maison de la Radio. Texte choisi par Michel Pomared. Extrait de Yellow Birds de Kevin Powers et de Fin de mission de Philippe Clay. Avec Quentin Bayot, Émeric Le Serre, François Perrache, François Clavier, Benoît Marchand, Slimane Yafsa, Pauline Ziadé et Maya Bokeh. Musique originale et conception sonore, Dominique Massa. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Pierre Mine, Mathieu Nombeau-Poati. Assistant à la réalisation, Louise Loubrieux, Lélio Ploton. Réalisation, Pascal Deux. Les textes sont extraits de Yellow Birds de Kevin Powers, traduit par Emmanuel et Philippe Aronzon, publié aux éditions Stock, et de Fin de mission de Phil Clay, traduit par François Happ, publié aux éditions Gellmeister. Mmh.